Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1. Notre invitée précédente, Dikra Kedawiria, a évoqué la question des changements climatiques et les conséquences sur le réseau d'égouts, puisque c'était son sujet. S'il peut davantage, il faut en tenir compte pour la conception des égouts et des bassins de rétention. Les changements climatiques deviennent une réalité. Est-ce qu'il est trop tard pour empêcher les changements climatiques? Et si oui, qu'est-ce que ça implique? Comment s'adapter? Ce sont les questions que Claude Villeneuve aborde dans son livre « Est-il trop tard? Le point sur les changements climatiques », un livre qui paraît cet automne aux éditions Multimonde. Claude Villeneuve est professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi. Il est aussi titulaire de la chaire en éco-conseil et il est aussi au téléphone avec nous. Bonjour, Monsieur Villeneuve. Bonjour. Alors, en fait, on dit depuis une vingtaine d'années, il y a eu l'accord de Kyoto, il y a eu la feuille de route de Bali, il y a eu l'accord de Copenhague et puis d'autres tentatives pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et tenter de limiter la hausse de CO2, les émissions de CO2, la hausse de température de 2 degrés. Rappelez-nous, s'il vous plaît, pourquoi on visait 2 degrés? Pourquoi 2 degrés? En fait, le 2 degrés a été une convention d'abord politique de l'Union européenne qui s'est entendue sur ce qui serait raisonnable de faire pour que ça coûte pas trop cher. Et c'est par la suite que les scientifiques ont étudié plus en détail la question. Ils se sont dit, effectivement, c'est un niveau auquel on pourrait probablement s'adapter, la nature pourrait probablement s'adapter sans trop de perte de vie ou de trop de grands problèmes. Quelque Donc chose, c'était ouais. Quelque chose de supportable au 21e siècle à 2 degrés. Mm-hmm. Et donc c'était donc quelque chose auquel on pouvait s'adapter, quelque chose de supportable. Et c'était prudent, voilà. Oui, c'est ça. Donc le titre de votre livre est-il trop tard? Alors, est-ce qu'il est trop tard pour maintenir la hausse de température à 2 degrés? Oui. En fait, selon toute vraisemblance, pour maintenir la hausse de température à 2 degrés, il ne faudrait pas dépasser 450 parties par million d'équivalent CO2 dans l'atmosphère. Or, si on prend tous les gaz à effet de serre, c'est déjà dépassé. Juste le CO2 fait l'équivalent de 400 ppm déjà actuellement. Et donc il y a encore des émissions qui augmentent plus rapidement que ce qu'on avait prévu. En fait, en 2010, on a atteint ce que le dernier rapport du GIEC prévoyait pour 2030. Ah, déjà? Déjà. Oui. Et puis, donc là, ça veut dire que la température probablement va être au-delà de 2 degrés. À quoi on peut s'attendre? Selon les scénarios actuels, la courbe, si on suit les tendances, on pourrait atteindre 4 degrés même avant 2100. Maintenant, c'est une hypothèse où on ne fait rien de particulièrement efficace. Si on applique les engagements dont vous parliez tout à l'heure, entre autres l'accord de Copenhague et si on continue à travailler sur l'efficacité énergétique, etc., on pourrait limiter ça à 3 degrés, 3,5 degrés, selon qu'on applique ou pas les accords de Copenhague. Et qu'est-ce que ça aurait comme conséquence? Parce que tout à l'heure, vous disiez 2 degrés, bon, c'est quelque chose auquel on pourrait s'adapter, auquel on pourrait vivre sans trop de pertes, nous, la biodiversité peut-être en général. Donc, à 3,5 degrés, 4 degrés, ça voudrait dire quoi? En fait, on ne sait pas ce que ça peut vouloir dire exactement, parce que, vous savez, la planète, on n'a jamais cassé une planète pour savoir à quel moment elle arrête de bien fonctionner. Alors, on est dans l'expérience, on est dans l'éprouvette, et puis actuellement, l'augmentation des gaz à effet de serre nous amène vers une grande inconnue. Certains scientifiques sont beaucoup plus alarmistes que d'autres à ce niveau-là, mais il est clair que la modification de la température de cette ampleur-là, c'est une modification qui va avoir des répercussions extrêmement importantes, en particulier sur le niveau des glaces, sur la biodiversité, sur le niveau de la mer. Donc, il y a des signes déjà concrets du réchauffement. On parle, de la fonte des glaces, mais il y a d'autres signes déjà tangibles du réchauffement? Oh, tout à fait. L'allongement de la saison de végétation, oui, par exemple. C'est vrai. On parlait de J'écoutais une entrevue tout à l'heure avec un vigneron qui disait qu'il a gagné 3 semaines au printemps et 4 semaines à l'automne de saison de végétation ici au Québec. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement considérable à l'intérieur d'une période de 30 ans. Ce qu'on voit aussi, c'est que les animaux, les plantes se déplacent beaucoup plus vers le nord ou en altitude. Je parlais avec quelqu'un qui allait dans l'Arctique et qui me disait les habitants d'une communauté inuite n'ont pas de mots pour désigner l'ours noir. Pourtant, ils voient maintenant des ours noirs. Ah oui. Alors, c'est des constats qui font que les éléments les plus sensibles que sont les glaces et la biodiversité réagissent rapidement. Un autre élément qui est extrêmement important et qui cause des dommages fort importants déjà à l'heure actuelle, c'est le relèvement du niveau de la mer qui se traduit par l'érosion des côtes. Mm-hmm. L'érosion des côtes qu'on voit partout, sur la côte africaine, sur la côte européenne, sur la côte canadienne, au Nouveau-Brunswick, à l'île aux îles de la Madeleine, sur la côte nord, en Gaspésie, il y a actuellement là, des dommages qui sont causés par les grandes tempêtes hivernales parce que le niveau de l'océan est un peu plus élevé et qu'il n'y a pas de glace qui protège la bordure. Mm-hmm. Donc, les rives peuvent perdre jusqu'à 10 mètres dans une seule année. Oh, c'est beaucoup. C'est énorme. Oui. Le premier 10 mètres, on n'est pas trop nerveux. Le deuxième, quand le terrain à 30 mètres, là, ça commence à être plus énervant. Les gens qui habitent proche, ils doivent regarder la mer d'un mauvais œil, peut-être. Voilà, il y a les routes, il y a tous ces éléments-là. Et puis, on voit aussi que les événements climatiques violents, parce que le réchauffement de la température, c'est simplement un des indicateurs du réchauffement. L'augmentation de la violence et de la fréquence des épisodes de temps anormalement violents s'augmente de façon considérable et les dommages qui sont payés par les assureurs sont vraiment beaucoup plus élevés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 30 ans. Oui. Donc, en quelque sorte, il va falloir s'adapter, mais c'est un mot qui englobe beaucoup de choses parce qu'il va falloir s'adapter à beaucoup de choses. Oui, il va falloir adapter d'abord, premièrement, des pratiques agricoles pour être capable de continuer à nourrir l'humanité, parce qu'il y aura des sécheresses importantes, comme on en a vu en 2012 aux États-Unis. Oui. Quand ces sécheresses-là affectent plusieurs zones de production agricole, on peut se retrouver en pénurie de céréales. Il y a aussi des pratiques de gestion de l'eau qui vont être adaptées. Entre autres sur la gestion des crues, la gestion des étiages. Il y a aussi des pratiques forestières qui vont devoir être adaptées. Il y a l'économie mondiale qui va devoir s'adapter à mettre un prix sur les émissions de gaz à effet de serre. Les assureurs qui vont devoir s'adapter à gérer le risque autrement, non plus en se fiant que le passé garde l'avenir, mais en anticipant les événements qui vont se produire dans l'avenir. Le système financier pour l'investissement responsable. Dans le livre, il y a un chapitre complet, là, qui est le 5, si je me souviens bien, qui traite de tous ces éléments-là d'adaptation. Et puis, dans ces adaptations, est-ce qu'on inclut des technologies pour capter le CO2? On parle de stocker le CO2 sous terre, de planter des arbres. D'ailleurs, vous êtes impliqué dans ce genre de projet, d'électrifier les transports. Est-ce qu'il y a quelque chose de réaliste? À quel point ces solutions peuvent contribuer à l'adaptation? Bon, les solutions vont contribuer non pas à l'adaptation, mais à la réduction de la vitesse d'augmentation. Il y a des solutions comme la plantation d'arbres qui peuvent contribuer à l'adaptation et à la réduction des émissions, mais à l'absorption des émissions. C'est ce qu'on fait, par exemple, dans le programme Carbone Boréale, un programme de recherche où on est en train de travailler sur le potentiel de la forêt boréale du nord du Québec et du Canada et de la Russie, à capter beaucoup plus de CO2 pour compenser, si on veut, pour des émissions sans cesse accélérées. Dans le domaine de la séquestration du carbone, ou plutôt du stockage du carbone souterrain ou sous-marin, il existe aussi des technologies qui sont décrites comme soit des technologies de capture, de captage et stockage, ou encore des technologies à émissions négatives. Les technologies à émissions négatives, à part la plantation d'arbres, il n'y en a pas qui sont en application à l'heure actuelle. Mais ces technologies-là deviennent absolument indispensables au 21e siècle, même à partir de maintenant, pour être capable de limiter la vitesse d'augmentation des gaz à effet de serre. Alors, si je comprends bien, comme vous le dites dans votre livre, il va falloir prendre le taureau par les cornes, oui. Appliquer ces, utiliser ces solutions, les mettre en œuvre, et puis c'est finalement... C'est très clair. Ouais. Actuellement, on a absolument besoin d'un plan de travail qui soit suivi d'effets concrets. Mm-hmm. Et ça veut dire qu'il faut que ça fasse... ça va faire mal. On a trop attendu pour ne pas que ça fasse mal. Mm-hmm. Et donc, c'est un peu à nous de décider de l'avenir que nous voulons et de prendre donc d'appliquer les bonnes solutions. L'avenir n'est pas écrit. Ouais. Les prévisions que les modèles nous donnent sont des hypothèses sur le climat du futur. Mm-hmm. Ce qui est inquiétant, c'est que à date, les prévisions ont été plutôt conservatrices. Les sorties de modèles ont donné des prévisions plutôt conservatrices par rapport à la vitesse d'évolution du phénomène. Mmh. Bien, j'invite les auditeurs pour en savoir plus à lire votre livre, dont je rappelle le titre « Est-il trop tard, le point sur les changements climatiques » qui vient de paraître aux éditions Multimonde. Je vous remercie beaucoup, M. Villeneuve, pour ces explications. C'est un grand plaisir, merci. Donc, je rappelle que M. Claude Villeneuve est professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi et titulaire de la chaire en éco-conseil. Alors, on va faire une pause musicale sur CKRL et au retour, on s'envole sur les ailes du papillon monarque.